Quand une route est classée à caractère prioritaire, cela veut dire que toutes les routes qu'elle va croiser n'auront pas la priorité. C'est ce panneau qui l'indique. Il est placé au début de la route, à la sortie d'une agglomération, ou après une intersection, comme c'est le cas ici. Je suis déjà sur la route prioritaire, et le panneau est placé après l'intersection pour annoncer le caractère prioritaire aux usagers qui entrent sur cette route. Réponse B.